Esculape aujourd'hui triomphe du tombeau. Quel prodige nouveau que ne devons-nous point au bien qu'il nous procure. Ses ordres prudents révèlent le pouvoir. Rien n'est si grand que son savoir. On dirait que la nature de ses ordres prudents révèle le pouvoir. Apollon qui chérit sa science profonde, chaque jour la publie en éclairant le monde. Chantons, chantons aujourd'hui des vers qui soient dignes de lui. Chantons, chantons aujourd'hui qui soit digne de lui. Chantons, chantons aujourd'hui des vers qui soient dignes de lui. Chantons. Après tant de bienfaits, il est honteux de se de terre, recherchez à jamais le bonheur de lui plaire. Après tant de bienfaits, il est honteux de se taire. Recherchez à jamais le bonheur de lui plaire. Recherchez à jamais le bonheur de lui plaire. Après tant de bienfaits, il est honteux de se taire. Après tant de bienfaits, il est honteux de se taire. De l'emploi délicat qu'il exerce aujourd'hui.